Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des Projets du Web, épisode numéro 7. Bonjour à toutes et à tous, vous l'avez sûrement remarqué, ce n'est pas Mathieu qui a fait la présentation de notre podcast aujourd'hui, mais bien évidemment moi-même, tout simplement parce que Mathieu va devoir mettre de côté le podcasting et se concentrer sur toutes ses études, parce qu'il a pas mal de concours et d'examens à passer, donc on lui souhaite beaucoup de courage et j'espère qu'il va revenir assez vite dans les projets du web. Et j'enchaîne de suite avec le sommaire de cette émission, le site du zéro, Spotify, Remix Job et une section News en vrac très intéressante, je vous le promets, qui remplacera le débat que nous avions avec Mathieu. Pour ce premier projet, je vais vous parler du site du zéro. Donc c'est un projet qui a débuté il y a quand même assez longtemps, ça fait près de 10 ans maintenant, qui est assez connu quand même dans le milieu, mais qui paradoxalement n'est pas très connu. Je vois par exemple dans mon entourage, j'ai eu pas mal de personnes qui ne le connaissaient pas, donc je me suis dit pourquoi ne pas vous le présenter. Le site du zéro va donc vous présenter des cours ou des tutoriaux très très variés qui sont très très bien rédigés sous licence Creative Commons si vous avez besoin de réutiliser par exemple certains textes. Vous avez des sujets tels que les langages de programmation, donc C, C++, Java. Donc j'ai eu l'occasion d'essayer les cours qui sont vraiment, vraiment très très bien. Donc je vous invite, si vous souhaitez apprendre ce genre de choses, à le visiter. Vous avez également la modélisation en 3D, donc avec Blender et Maya. Donc j'ai pu également tester Blender. Et encore des sujets un petit peu plus courants, entre guillemets, comme la prise en main de Linux, du début vraiment jusqu'à la fin, c'est-à-dire récupérer l'image CD, le graver, l'installer, faire de la maintenance entre guillemets et continuer comme ça. Donc c'est vraiment un site que j'ai personnellement utilisé pendant très longtemps et j'ai pas encore trouvé d'équivalent dans ce domaine-là. Si vous êtes vraiment intéressé par ces sujets, je vous invite à y faire un tour. C'est une vraie mine d'informations et n'hésitez surtout pas derrière à participer sur le forum, échanger pour éventuellement parler des difficultés que vous avez eues pendant les tutos ou les cours. Et il y a une très bonne communauté et ça se passe généralement très bien. Donc c'est vraiment un très très bon site à avoir dans les marque-pages de son navigateur internet préféré. Le second sujet dont je souhaitais vous parler, c'était Spotify. Donc je pense que vous êtes beaucoup plus nombreux à connaître ce projet. Pour éventuellement ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme légale de streaming, une plateforme musicale, donc de streaming audio. La particularité, c'est qu'il offre une possibilité d'avoir un compte premium. Et donc c'est sur ce détail que je vais m'attarder, puisque en fait j'ai tout simplement depuis à peu près une semaine et demie décidé de tester ce compte premium pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait en tirer et si vraiment c'est le projet de cloud computing au niveau de la musique, est-ce que c'était vraiment viable. Donc tout d'abord, qu'est-ce que vous avez le droit avec un compte premium? Il y a une absence de pub, donc il n'y a plus du tout de pub entre chaque titre que vous écoutez. Vous avez la possibilité d'un mode offline qui est très pratique. Ce qui se passe, c'est que plutôt que d'écouter la musique en streaming, donc à chaque fois de retélécharger la musique, il va la précharger, donc la télécharger finalement, ce qui permet une écoute offline. Donc c'est vraiment très pratique. Ça vous évite de gaspiller de la bande passante alors que vous écoutez par exemple le même album pendant toute une soirée par exemple. Ça peut vraiment vous sauver votre bande passante. Donc ça, c'est un point très important. Et le second, c'est la possibilité de l'utiliser sur votre mobile. Donc il est supporté par iPhone, Android et Nokia. Le problème, disons, au niveau de l'iPhone, c'est que ce n'est pas multitâche pour l'instant un iPhone. C'est-à-dire que si vous lancez votre application musique, vous ne pouvez pas aller envoyer des SMS à côté si vous en avez reçu un. Ou aller naviguer sur Internet. C'est le problème, mais c'est caractéristique à l'iPhone et pas à l'application Spotify. Puisque sur Android, il n'y a pas de souci, vous pouvez ou le mettre en tâche de fond. Et bien entendu, vous avez un débit audio meilleur, c'est-à-dire vous passez de 192 kbps à 320 avec le compte premium. Donc globalement, au bout d'une semaine et demie, le résultat est très satisfaisant. Je n'utilise plus du tout finalement la musique que j'ai sur mon disque dur, que j'avais sur mon disque dur, ou les CD directement que j'ai dans ma bibliothèque. J'utilise maintenant plus que ça. Pourquoi? Bah tout simplement puisque je me balade donc avec mon iPhone, avec mon ordinateur de bureau. Parfois, je suis sur un laptop, donc un ordinateur portable. Et c'est très embêtant à chaque fois qu'on a un nouveau titre de le synchroniser parmi tous ces appareils à chaque fois. C'est vraiment très, très encombrant. Là, j'ai la possibilité, si je crée une playlist sur mon iPhone d'un artiste, par exemple, je ne sais pas, Deftones, si vous connaissez, ou Gorillaz, ou n'importe qui, ou Muse, et bien automatiquement la playlist qui va être faite va être aussitôt disponible sur l'ordinateur du bureau. Donc ça permet vraiment d'avoir une synchronisation parmi tous ces appareils, et c'est ce qui m'a convaincu personnellement dans ce genre de projet de streaming légal. Donc voilà, donc c'est un projet un petit peu différent des autres, parce qu'il est un peu plus commercial, mais je souhaitais vraiment vous en faire part, parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Pour le dernier projet d'aujourd'hui, c'est un projet qui s'appelle Remix Jobs. Donc c'est un projet assez récent que j'ai trouvé chez Corben, corben.info. Et donc le but est assez simple, c'est trouver un emploi dans les secteurs orientés principalement informatique, réseau, internet, tout ce domaine-là. Les personnes qui étaient à l'initiative de ce projet trouvent que c'est un secteur un petit peu mal valorisé au niveau des pôles emploi traditionnels, parce qu'ils sont souvent très généralistes et ce genre de professions sont au contraire très, très spécifiques. Eux-mêmes se sont retrouvés dans ce genre de situation à la recherche d'emploi et ça ne passait pas du tout. Et donc ils ont décidé de monter un projet, donc celui-ci, Remix Jobs, qui est d'aider et d'accompagner la relation entre entreprise et candidature d'emploi, de les mettre en valeur, d'avoir des candidatures de qualité, bien ciblées, et tout ça sur un esprit assez finalement communautaire, parce que ça a l'air d'être assez accessible, très facile de pouvoir poster en tant qu'employeur ou qu'en candidature. Et pour le futur, et ce qu'ils aimeraient faire, c'est pouvoir faciliter les CV, de faire son CV en ligne tout simplement, faciliter ce côté-là, faciliter également pour les employeurs de consulter les CV, de pouvoir en lire beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et bien entendu, ils cherchent à avoir beaucoup de feedback, donc de retour d'expérience. Est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'il faut changer pour améliorer un petit peu leur projet, pour que eux ils soient meilleurs, pour qu'ils aident encore mieux. Et voilà, donc ça c'est un projet qui m'a interpellé de suite par une certaine sincérité au niveau des personnes qui l'ont créé. On a vraiment l'impression que c'est vraiment, on sent qu'ils ont vraiment été confrontés à ce problème-là, parce que c'est vrai que c'est un secteur assez particulier au niveau de l'informatique, réseau, etc. Voilà, donc je souhaitais un petit peu parler de ce projet qui m'a l'air très très très très prometteur, la recherche d'emploi en ligne. Pour cette seconde partie d'émission, donc je vais vous présenter des news en vrac, puisque malheureusement Mathieu n'est pas avec moi pour pouvoir faire notre débat habituel. Et je suis très très régulièrement d'accord avec moi-même sur les débats, donc ça va pas être très intéressant d'être tout seul à débattre. Donc je vais vous présenter des petites infos que je vais essayer de vous commenter, et essayer de vous faire découvrir quelques petits tips ou astuces, disons, sur certains services que vous avez l'habitude d'utiliser, notamment YouTube, où j'en ai deux ou trois. Je vous préviens également que cette partie sera quasiment pas éditée ou coupée, donc vous allez entendre tous mes tics, et donc je vais répéter des doncs et des et un peu partout. Je commence avec YouTube, donc trois petites choses au niveau de YouTube. Le premier, les sous-titres. Donc maintenant vous avez la possibilité, quand vous regardez une vidéo en anglais par exemple, d'avoir les sous-titres qui sont incrustés directement dans le player YouTube. Alors j'ai pu faire le test, ça ne marche pas très bien, c'est toujours expérimental, mais je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de projet au sein de YouTube. Le second, c'est HTML5. Vous avez la possibilité, quand vous regardez dans votre compte Google, d'activer HTML5, et ce qui se passe, c'est que vous pouvez vous passer du Flash Player si vous n'avez pas envie d'utiliser le Flash Player. Malheureusement, comme les vidéos sont encodées en H264, vous devez utiliser soit Safari, soit Chrome pour pouvoir les lire. Troisième astuce au niveau de YouTube, c'est vraiment, je suis vraiment très content de vous le faire découvrir aujourd'hui, j'espère que vous ne le connaissez pas déjà, c'est youtube.com/disco, D-I-S-C-O. Donc vous allez à cette adresse, vous mettez un artiste qui vous plaît, et là vous allez avoir toute une playlist avec votre artiste et toutes les musiques qui peuvent vous intéresser à côté, donc les related artists. Vous avez des mix également, une petite biographie, des groupes avec les groupes qui sont en lien, évidemment un petit player, donc vous avez votre petite vidéo que vous pouvez regarder. Et je vous invite vraiment à le regarder, ce petit truc astuce, parce que j'ai vraiment été étonné. Il m'a vraiment fait découvrir des artistes sympas, et c'est évidemment gratuit, donc profitez-en. Je quitte YouTube pour vous parler de Steam. Si vous ne connaissez pas Steam, c'est une plateforme qui va concentrer, agréger tous les jeux Valve, et qui maintenant s'étend à des jeux encore beaucoup plus vastes que les jeux de Valve. Et donc il sert à concentrer donc du coup tous ces jeux, à faire une plateforme de jeux, tout simplement. Et il s'est avéré cette semaine que Valve a confirmé le portage de Steam sur Mac. Donc moi je n'ai pas personnellement de Mac à la maison, mais c'est pour moi une grande nouvelle parce que j'utilise Linux en parallèle de Windows. Et le problème sous Linux, c'est qu'on pouvait pas facilement jouer au jeu DirectX, puisque c'est fait pour Windows. Et un portage de Steam sur Mac veut dire que les jeux seront faits en OpenGL et que je pourrai enfin jouer sur mon Linux tranquillement. En attendant une version native de Linux, of course. On enchaîne ensuite avec les systèmes d'exploitation. Et pas du tout, on va enchaîner tout de suite avec Microsoft Courrier, qui est désormais un peu plus proche de la réalité, disons, c'est-à-dire qu'on a eu des images. Alors, on n'a aucune source officielle, mais les images ont l'air très réalistes. Et donc, ça a l'air d'être des vraies images. Autant l'iPad, j'accroche vraiment pas du tout. Autant ça, c'est classe, ça a de la gueule, c'est plutôt joli. Et moi, je pense pas en acheter, j'en ai pas l'utilité, mais c'est vraiment plutôt intéressant comme objet technologique. Après, c'est pour un usage vraiment spécifique. Je pense que c'est vraiment le bloc-notes du boulot, ou des réunions où on prend prise de notes au stylet, donc comme si on écrivait finalement. Donc, je pense qu'il y a vraiment un avenir pour ce type de produit. Et finalement, Courrier n'était pas qu'un projet, il a l'air de se concrétiser, en espérant que Microsoft continue dans cette voie. Toujours avec Microsoft, des nouveaux projets de recherche. Un projet, enfin, on n'a plus d'instrument avec soi, on n'a plus de clavier, on va projeter finalement un espèce de clavier sur son bras et taper sur son bras. Une sorte de surface, mais sans le côté table. Faut savoir que c'est un projet qui n'est pas nouveau, c'est pas Microsoft qui l'a inventé. Microsoft a volé l'idée entre guillemets à un projet similaire qui a été présenté à la conférence TED, si je ne m'abuse. Donc voilà, mais c'est très excitant de voir ce genre de projet, ça fait vraiment science-fiction. Et donc, la dernière petite news, c'est Fiverr.com, Fiverr.com. Donc, c'est un site qui est toujours en bêta et c'est un projet, disons, qui est quand même assez humoristique, disons, puisque c'est pour 5 dollars, on fait une action. C'est-à-dire que certaines personnes proposent pour, par exemple, pour 5 dollars, ils nous envoient une carte postale de l'Irlande ou d'Australie. Et on peut, à la manière d'un Amazon ou d'un eBay, commander maintenant, hop, et puis voilà, on lui donne 5 dollars et il nous fait la petite action. Certains vont se faire tatouer sur le biceps le nom d'entreprise pour 5 dollars. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses comme ça et c'est assez marrant de voir ce que les gens peuvent faire pour 5 dollars. Il y a vraiment des choses très très drôles. Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode numéro 7 des projets du web. J'espère que cette version un petit peu spéciale vous a plu. Je profite pour passer une petite annonce. Je recherche un co-animateur pour m'aider un petit peu à rendre plus vivant le podcast. J'espère que je n'ai pas été trop ennuyeux aujourd'hui. J'ai essayé de laisser une partie news qui était un petit peu plus familiale, avec du langage un peu plus familier. J'espère que ça ne vous a pas choqué ou quoi que ce soit, mais c'était un petit peu pour détendre l'atmosphère. Du fait que j'étais tout seul, j'avais peur d'avoir un ton un peu trop sérieux. Donc voilà, et donc bah. Si vous voulez tenter l'expérience, eh bien, je suis très ouvert à toute proposition, concernant uniquement le podcast, bien entendu. Et donc, je serais ravi de vous accueillir au sein du podcast. Et bien évidemment, quand Mathieu reviendra, votre place sera toujours là et on pourra avoir un trinôme au sein du podcast. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez. Et à bientôt pour le prochain épisode des Projets du Web.